Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Diderot, l'écrivain philosophe. Mais Diderot est un personnage clé du 18e siècle. Il a écrit des romans, des pièces de théâtre. Enfin, vous connaissez Jacques le Fataliste, le neveu de Rameau, le supplément Voyage de Bougainville, une très belle correspondance. Il était critique d'art, très averti. Mais il a fait connaître beaucoup les œuvres anglaises en France. C'est un personnage majeur, je dirais, comme Jean-Jacques Rousseau pour la France et, je dirais, plus que Voltaire. Diderot, personnage clé du 18e siècle français, l'équivalent de Rousseau est plus important encore que Voltaire, avance l'historien Claude Suteau à l'émission Multimédia en 1999. Quelle importance a donc eu cet écrivain-philosophe ou ce philosophe-écrivain qu'a été Denis Diderot et que doit-on retenir de lui au-delà de sa célèbre encyclopédie à laquelle on a d'ailleurs consacré une émission à Aujourd'hui l'Histoire? Alors, est-ce que je ne le fais pas mieux que votre cousine? Et j'avoue aimer le mot. Il n'y a qu'un devoir, celui d'être heureux avec une femme, avec 1000 femmes. Et j'avoue aimer la chose. Nous sommes mariés. L'oublies-tu? Mais le mariage n'est qu'une monstruosité dans l'ordre de la nature. Si entre chose et mot. Moi, mon grand maître, hein, c'est en fait un homme du XVIIIe siècle, c'est Diderot. C'est-à-dire, c'est celui qui correspond exactement au portrait que vous faites, c'est-à-dire qui fait ce qu'il veut, qui a bon goût, a mauvais goût, en tout cas n'a pas le goût des autres, invente son propre goût et décide d'écrire sous des formes tout à fait nouvelles, d'écrire de la philosophie sous la forme de contes, de pièces, de petites histoires, de romans, etc. Moi, j'essaye d'être un bâtard de Diderot. De Pater et trois avec Dieu vous pardonne. Ma fille suivante. Ah, je vous admire, monsieur Diderot. Quelle fermeté d'âme. S'il faut que je pose mon pantalon pour qu'on marque ma fermeté d'âme. Alors, j'ai rêvé de vous et je vous dévorerai. Expression grandissante de ma fermeté d'âme. Vous entendiez dans cet extrait Éric-Emmanuel Schmitt, l'auteur de la pièce « Le Libertin », dont est inspiré le film de Gabriel Aguillon, dont on vient aussi d'entendre un extrait de la bande-annonce, à l'émission Christiane Charette, donc cette entrevue avec Éric-Emmanuel Schmitt en mars 2007, pour nous parler de Diderot, de son œuvre également. Diderot qui est justement le personnage principal de cette pièce et de ce film « Le Libertin ». Je reçois Benoît Melançon, professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal, lui-même passionné de Diderot. Vous le suivez depuis très, très longtemps, Benoît Melançon. Oui, bonjour. Oui, 40 ans pratiquement. Bienvenue bonjour à l'émission. Merci. Ce que vous venez d'entendre, commençons par ça. Bon, si vous le suivez depuis longtemps, Éric-Emmanuel Schmitt le suit aussi depuis très longtemps, Diderot. Il a fait cette pièce de théâtre adaptée ensuite. Il a fait sa thèse de doctorat sur Diderot. Ce Diderot dont il nous parle, quand vous pensez, vous, à Diderot, le reconnaissez-vous? Pas beaucoup. Évidemment, il y a une dimension libertine, je veux bien, chez Diderot. Il y a une invention formelle, ça, Éric-Emmanuel Schmitt a tout à fait raison. Il prend des formes, Diderot, il en fait des choses tout à fait étonnantes. En même temps, Diderot, ce Diderot-là, c'est celui qu'on voudrait imaginer aujourd'hui parce qu'on se fait soi-même déjà une image du 18e siècle. On imagine un 18e siècle libertin, ouais. Et donc il faut que Diderot soit libertin. Il ne peut pas être autre chose que libertin. Or, on pourra en discuter assez longuement aujourd'hui. Selon moi, il est autre chose que ça. C'est une partie possible de la lecture qu'on peut faire. C'est pas toute la lecture. Il y a beaucoup d'autres choses chez Diderot. Et même pas, si je vous devine bien, même pas sa dominante, en fait. Non, à mes yeux, non. Parce que c'est quelqu'un qui a effectivement voulu libérer une partie de sa pensée, mais qui, en même temps, a voulu mener, et il a réussi, une vie parfaitement bourgeoise, liée à un type de travail tout à fait étonnant pour nous. C'est pas notre image, ça, du grand homme de lettres. On les aime mieux, effectivement, libertin et un peu olé-olé, comme ce qu'on vient d'entendre. Ouais. J'ai une lecture un peu plus sérieuse, si vous voulez, de Diderot. Alors, qu'est-ce qui vous fascine c'est chez ce Diderot plus sérieux? Pourquoi le suivez-vous depuis aussi longtemps? Alors, quand on regarde l'histoire de la littérature du 18e siècle, le siècle des Lumières, on peut avoir l'impression qu'il y a des monuments d'importance identique. Claude Suteau parlait de Rousseau, parlait de Voltaire, parlait de Diderot. C'est pas vrai au 18e siècle. Au 18e siècle, les deux monuments, c'est Rousseau et Voltaire, sans aucun doute, et pas seulement en France d'ailleurs, pour l'Europe. Diderot, donc, de son vivant, est beaucoup moins connu que les deux autres. Il est moins connu parce qu'il va moins publier de son vivant ses œuvres les plus étonnantes, Et ces œuvres-là sont vraiment étonnantes. Donc, ouais. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est comment quelqu'un, à l'origine, au moment où le roman devient une forme populaire, peut réinventer le roman. Ouais. On commence à faire du roman, puis il a déjà compris quelles étaient ses potentialités. Ouais. Il fait la même chose avec le théâtre. Il réinvente le théâtre. C'est un inventeur de formes. Alors, qui vont avoir plus ou moins de postérité. Mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, ouais. Quelqu'un qui saisit le travail du langage et qui le bouscule. Avec, en supplément, ce mystère qui est aussi attrayant de voir, de constater que cet homme, que le Diderot connu d'aujourd'hui, à l'époque où il vit, n'existe pas. C'est quelqu'un qui a... Alors, ce qu'on connaît de Diderot au XVIIIe siècle, c'est essentiellement son travail sur le théâtre, son travail à l'encyclopédie et encore, ouais. et pas grand-chose de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Un petit mot sur ses origines. Il naît en 1713, Diderot. À quel milieu il appartient? Quel genre de... Alors ça, c'est capital. Il naît donc à Langres, 300 kilomètres à l'est de Paris. Son père est un coutelier, c'est un artisan. Il fait des instruments de chirurgie, notamment. Et il y a chez Diderot une chose là, qu'il va garder toute sa vie, et c'est l'importance du travail manuel, le travail de la main. Il a vraiment pris ça chez son père. Son père, c'est aussi une figure récurrente de son œuvre, donc c'est un personnage de ses textes. C'est l'image de ce que devrait être un père de famille. Et ça, c'est une obsession que Diderot va poursuivre tout au long de sa vie, dans son théâtre, dans ses romans aussi. Ouais. C'est quelqu'un, enfin, qui, je le disais à l'instant, veut... tout en étant artisan, obtenir un statut de bourgeois. Il ouais. veut s'établir. Ben, il y a ça chez Diderot aussi, ce qui nous étonne un peu vu de notre bout de la lorgnette. Mais donc, l'enfance, elle est marquée par ces choses-là. On sait très peu de choses de la mère, mais le père est le personnage capital. Ouais, un modèle très fort auquel il va s'identifier. L'écriture, ça arrive comment, quand et de quelle manière? Alors, il y a un trou dans sa biographie. On ne sait pas très bien. Il arrive à Paris juste avant la vingtaine. Et là, on sait qu'il a fait des petits boulots. On sait qu'il a suivi des études de théologie, des études très, très longues de théologie. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il fait pour gagner sa vie jusqu'au moment où il se lance dans la traduction. Ouais. Et c'est là que la carrière des lettres pour lui commence. Alors, il va traduire des dictionnaires, un dictionnaire de médecine, un dictionnaire de la Grèce antique. Et c'est par là qu'il va entrer dans le monde des lettres. Alors, ça, c'est une chose qui peut nous paraître un peu étrange. Hein. Il ne commence pas par les grands genres institués. Non, il commence par du travail alimentaire. Et la traduction, pour lui, c'est la porte d'entrée vers le milieu des lettres. Et c'est comme ça, donc, qu'il va se mettre à écrire d'abord de la philosophie, d'abord des essais. En 1746, il publie « Pensées philosophiques », que l'on condamne aussitôt à être oui. brûlé. L'année suivante, il écrit « La promenade du sceptique ». Ce ne sera même pas publié. Le manuscrit va être saisi, en fait, avant qu'il soit publié. Oui, par la police. C'est tôt, ça, là. Oui, il va choquer plus tard avec l'encyclopédie. Mais qu'est-ce qui fait que déjà, à ce moment là, Diderot choque tant. Alors, quand Branson. On le compare à Rousseau, à Voltaire, il y a une chose qui est très, très nette. Il a fait donc des études de théologie, mais c'est un athée. C'est un vrai athée. C'est pas un déiste comme les autres. C'est un matérialiste. Et donc, sa pensée va beaucoup plus loin que la pensée de ses contemporains. Elle est déjà là en forme et elle va continuer à s'exprimer jusqu'à la fin de sa vie. Nous sommes de la matière. C'est parce que nous sommes de la matière que nous pensons. Et nous ne pourrions pas penser autrement si nous n'étions pas fait de matière. Ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très capital pour lui, qui saisit très tôt. Et il se rend compte très rapidement que c'est le genre de choses qu'il vaut mieux ne pas publier, parce ouais. que c'est impossible à entendre dans la France du 18e siècle que ce matérialisme, que cet athéisme. Ouais. On a fait déjà une émission sur l'encyclopédie, mais on ne peut pas faire une émission sur Diderot sans quand même faire un petit détour par là. Ça va être très, très important dans sa vie de différentes manières. On en parle tout de suite après cet extrait. Pendant les 25 années que nécessite la parution de l'œuvre complète, de 1751 à 1777, l'encyclopédie soulève bien des passions. À deux reprises, le roi Louis XV, sous les pressions du clergé, en interdit la vente. En 1759, le pape Clément XIII menace même d'excommunier tous les catholiques qui en posséderaient un exemplaire. À titre de directeur du projet, Diderot recrute les esprits les plus prestigieux de son temps et distribue le travail. Il corrige, synthétise des milliers d'articles. À lui seul, il rédige plus de 6000 des 72 000 articles que comporte l'œuvre complète. la journaliste Solange Gagnon à l'émission Science-Réalité en janvier 1986. Quelle importance ça va avoir, Benoît Melançon, cette aventure de l'encyclopédie dans la vie de Diderot? De fait, comment il se lance dans cette aventure-là? Par la traduction. Oui. Les libraires, les éditeurs qui ont fait les traductions auxquelles il a collaboré se lancent dans le projet d'une traduction d'une encyclopédie anglaise, celle des frères Chambers, la Cyclopédia. Et c'est comme ça que Diderot est coopté pour faire ce travail. Et ça va l'occuper pendant plus de 20 ans. Le premier volume paraît en 1751, mais évidemment, il a déjà commencé à travailler auparavant. Et le dernier volume sous sa direction, il y aura un supplément par la suite auquel il n'est pas associé, le dernier volume paraît en 1772. Donc, pendant plus de 20 ans, il était associé à ce projet, qui est d'abord attaqué par le pouvoir royal en 1752, suspension du privilège, ouais. Et en 1759, suppression du privilège. Donc, il n'y a plus d'autorisation. Alors, ça, c'est frappant parce que Diderot va donc vivre de cette entreprise, c'est son salaire, ouais. Mais dans la clandestinité. Ouais. C'est une œuvre qui n'est pas officiellement autorisée. Donc, quand on réfléchit au statut public de Diderot au 18e siècle, on doit avoir ça à l'esprit. Il fait l'encyclopédie, pour nous, ça va de soi, ben, pas pour ses contemporains, parce qu'en théorie, ça n'existe plus, ouais, à partir de 1759. Ouais. Et c'est important, bon, alimentairement, ce qui n'est pas rien, mais plus que ça, dans le développement de sa pensée, de sa philosophie, c'est important. Là. Alors, ce que fait Diderot, là, c'est marier les sciences, les arts et les métiers. Ouais. Donc, quand le je côté disais, manuel, le côté manuel, il est là, exactement. Et c'est ça qui est nouveau dans l'encyclopédie. Il y a déjà eu des encyclopédies où on a parlé des sciences, où on a parlé des arts. Mais Diderot tient absolument à mettre du concret là-dedans, du manuel, du matériel. Ouais. On parlait de matérialisme tout à l'heure, ben c'est ça aussi. Alors, on a tendance à penser qu'il y a une pensée unique de l'encyclopédie à travers les plus de 70 000 articles dans les 28 volumes. Non, la pensée change, évidemment. Mais Diderot expérimente sa pensée, notamment sa pensée matérialiste, dans l'encyclopédie, ce qui est une chose, évidemment, qui, pour nous, n'a aucun sens. Quand on ouvre une encyclopédie, nous, aujourd'hui, on veut que ça nous dise objectivement comment sont les choses. Ben, pas chez Diderot. Diderot, il y a des articles dans l'encyclopédie qui se contredisent les uns les autres. Il y a des articles qui sont faits sous forme dialoguée. Ouais. Il s'agit d'échanger pour voir comment on peut faire advenir les idées. C'est un terrain de jeu, si vous voulez, intellectuel, mais lié à ces trois piliers-là, science, art et métier. On va s'attaquer maintenant au Diderot littéraire, qu'on va connaître, en fait. Bon, il y aura du théâtre qui sera publié pendant sa vie, mais ses romans, en gros, c'est de manière posthume qui seront publiés. Mais commençons par le théâtre, justement, parce que c'est par là, au fond, que Diderot en vient à la littérature. Allons, mademoiselle, prenez votre livre. Tandis que mademoiselle qui ne se presse pas cherche son livre qu'elle a égaré, je continue. Le bruit court que de Voltaire est mort, tant mieux. La mère, et pourquoi tant mieux? C'est qu'il va nous donner quelques bonnes folies. C'est son usage que de mourir une quinzaine auparavant. On s'écriait. Il est toujours charmant. Cependant, mademoiselle, le livre retrouvé sous un fauteuil se mettait à son clavecin. D'abord, elle y faisait du bruit toute seule. Le plan, ensuite, ça va tout seul. Ça rejoint, bien entendu, l'imagination créatrice de Diderot. Par contre, dit-il, le dialogue me tue. Peut-être est-ce parce que le dialogue de théâtre est un dialogue rigoureux, enchaîné, qui va de conséquence en conséquence. Alors que le dialogue des textes philosophiques de Diderot est un dialogue heuristique où un chemin sinueux, parfois contradictoire, peut conduire à la découverte d'une vérité. Il n'a pas les mêmes contraintes que le dialogue de théâtre. Et là, Diderot se sent corseté. Si vous me dites quelque chose, il faut que je vous réponde quelque chose qui soit la conséquence de ce que vous avez dit. Tandis que dans le dialogue philosophique, on peut esquiver, on peut faire une fausse sortie. Donc il est beaucoup plus à l'aise dans cette manière de pratiquer le dialogue que dans le dialogue théâtral proprement dit. Je disparaissais. Et voilà ce qu'on appelait alors une leçon d'accompagnement. Extrait de la pièce « Le neveu de Rameau » interprété par Michel Bouquet en avril 1984. Vous entendiez aussi dans cet extrait Raymond Trousson de l'Université libre de Bruxelles à l'émission « Les chemins de la philosophie » diffusée à France Culture en février 2010. Comment décrire le théâtre de Diderot, Benoît Melançon? Alors, un des plus violents ennemis de Diderot au 19e siècle s'appelle Barbé d'Aurevilly. Et Barbé d'Aurevilly détestait l'œuvre de Diderot en général et il disait qu'il détestait particulièrement ce qu'il appelait ses entrailles oratoires. Eh bien, c'est ça, Diderot. C'est de la parole. Il y a, ouais, du dialogue partout. Il y en a dans l'encyclopédie, il y en a dans le Neveu de Rameau, il y en a au théâtre. Alors, pourquoi le théâtre? Ben, pour une raison toute simple. Vous voulez réussir dans le monde des lettres au 18e siècle, vous devez réussir par le théâtre. La voie de la consécration littéraire au 18e siècle, c'est le théâtre. Tout le monde fait du théâtre. Beaumarchais, Marivaux, bien sûr, c'est des dramaturges, mais Voltaire, qu'on ne lit plus comme dramaturge, en a fait, Rousseau, ouais, le Marquis de Sade. Donc, Diderot est parfaitement dans cette logique-là, mais Diderot n'est pas content du système théâtral de son époque. Il n'aime pas les genres de son époque, il n'aime pas les scènes de son époque, il n'aime pas le lieu théâtral. Alors, il va faire deux choses toujours en même temps. Il écrit des pièces qui n'ont pas beaucoup de succès et il théorise tout de suite. Donc, en 1757, il fait une pièce qui s'appelle « Le fils naturel », suivie immédiatement d'un texte qui s'appelle « Les entretiens sur le fils naturel ». Alors, le dramaturge n'a pas beaucoup d'influence, le théoricien, si. Alors, Beaumarchais, par exemple, dit... Une de ses principales influences, quand il s'y met à faire, lui, du drame, ça vient de, carrément de Diderot. Diderot va donc inventer une forme qu'il appelle parfois la, c'est un peu bizarre, la tragédie domestique, et parfois le drame bourgeois. Alors, il va donc penser le théâtre, il va penser aussi le jeu des comédiens, dans un texte qui, lui, a eu de l'influence jusqu'à aujourd'hui, qui est le paradoxe sur le comédien. Donc, c'est ça qui est important pour lui, c'est comment saisir la parole, comment la donner à entendre, comment la donner à voir sur une scène, et comment la mettre dans ses textes par ailleurs. Donc, il le fait au théâtre, mais il le fait le temps, au fond. L'écrivain, je disais écrivain, philosophe, philosophe, écrivain, mais l'écrivain qui écrit, mais qui réfléchit aussi sur ce qu'il écrit. Alors, on ne peut pas penser Diderot sans penser le dialogue sous toutes ses formes. Oui. Le dialogue, c'est le dialogue théâtral, c'est le dialogue romanesque, le dialogue épistolaire. Il y a de la parole partout chez Diderot. Le neveu de Rameau, c'est intéressant. Le neveu de Rameau, c'est... on ne sait pas ce que c'est. Alors, lui, il appelait ça une rhapsodie. On vient d'en entendre un extrait, comme si c'était une pièce de théâtre. La plupart des gens aujourd'hui disent que c'est un roman. Une chose est sûre, ça parle. Ouais. Il sera donc théoricien du théâtre, il écrit pour le théâtre, il théorise sur le théâtre. Il est aussi critique d'art plus largement, Benoît Mélenchon. Alors, pour comprendre l'importance de Diderot critique d'art, et on va voir l'importance de Diderot romancier, il faut avoir à l'esprit une chose. Diderot est le collaborateur d'une publication manuscrite qui s'appelle « La correspondance littéraire ». Alors, c'est dirigé par un de ses amis, un Allemand installé à Paris, qui s'appelle Grimm. Et Diderot, pour cette revue, mais destinée vraiment aux têtes couronnées d'Europe, hein, il y a 12, 15 lecteurs, pas plus, va suivre l'actualité parisienne. Et notamment, il va suivre les salons de peinture qui se tiennent à tous les deux ans dans la grande salle, dans une des grandes salles du Louvre. Et il va décrire les tableaux. Donc, il invente la critique d'art. Au 19e siècle, Baudelaire va se réclamer de lui en disant « Mon modèle pour faire de la critique d'art, c'est Diderot ». Mais donc, c'est pour un public très, très limité. Ouais. Ce n'est jamais rassemblé en ouvrage au 18e siècle. Ça a été rassemblé en ouvrage au 20e. Mais là, il y a quelque chose pour lui de tout à fait important, dans une perspective qui n'est pas du tout la nôtre. Lui, la peinture, ce qui l'intéresse, c'est ce que la peinture raconte. La peinture, c'est une histoire et le tableau saisit un moment de cette histoire. Je suis ici contrainte et forcée. Je n'ai aucune vocation. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs? Non. Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, Sœur Suzanne, vous voulez nous quitter? Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent? Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance. Vous êtes donc coupable? De quoi? De tout! Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes. C'est donc un parti pris, vous voulez vous perdre? Je ne sortirai d'ici! Extrait de la bande-annonce du film La religieuse, réalisé par Jacques Rivette en 1966, inspiré du roman de Diderot. Le film de Rivette, qui fera d'ailleurs face à la censure à l'époque, que je vous le signale. Diderot le romancier. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Benoît Mélenchon? Alors, il y a deux bouts de la carrière de Diderot. Il y a Diderot romancier en 1748. C'est le seul roman qu'il publie de son vivant. Ça s'appelle Les bijoux indiscrets. Les bijoux indiscrets, ce sont les sexes féminins qui parlent. On est toujours dans le dialogue. C'est un roman qu'on a tendance à considérer comme un roman graveleux, grivois, mais qui est assez intéressant sur le plan des idées de Diderot, notamment sur le plan du théâtre. Et à l'autre bout, il y a les trois grands romans qu'on lit le plus aujourd'hui, La religieuse, qui n'est pas particulièrement en rupture formelle avec son époque. Hein. Il est en rupture idéologique sur le plan de la religion, mais c'est un roman qui est assez simple à lire, qui ne pose pas de grands problèmes. Il y a deux autres romans qui sont écrits à la même époque. Jacques le fataliste, qui lui est une rupture formelle, radicale, avec ce que le roman peut faire, et Le neveu de Rameau. Alors, Jacques le fataliste et La religieuse paraissent dans la correspondance littéraire, et nulle part ailleurs. Donc, ils ont 12, 15 lecteurs. Il y en a un peu question dans la correspondance de Diderot. Le neveu de Rameau, pas un mot. Ouais. Personne au 18e siècle ne connaît ce texte. Alors, les critiques qui ont travaillé dessus disent que La fortune du neveu de Rameau, c'est un roman bibliographique. Parce qu'en fait, on trouve un manuscrit à Saint-Pétersbourg qui est traduit par Goethe en allemand. Donc, la première parution du neveu de Rameau, c'est en allemand. La première traduction en français, c'est une traduction de la traduction de Goethe. Donc, vous voyez, c'est un roman très bizarre. Donc là, il est vraiment, je dirais, sur le plan de la forme, allé tellement loin Diderot qu'il voit bien qu'il ne peut pas trouver un public à son époque. Donc, il se contente soit de la correspondance littéraire, soit de la postérité. Oui, parce que ça va être publié, mais nous, on a accès à tout ça. C'est ce qu'on lit de lui aujourd'hui, mais tout ça de manière posthume. Oui, alors, c'est véritablement... Et c'est les textes qui, pour moi, sont sur le plan de l'écriture littéraire. Oui. C'est les textes les plus intéressants. C'est pas son théâtre. Oui. Les textes théoriques, si, mais pas les pièces. Là, le roman, Jacques le Fataliste, qui pour moi est le plus grand roman du 18e siècle, est un roman qui dit qu'est-ce que je peux faire avec le roman au moment même où le roman apparaît. Diderot a perçu les potentialités du roman tout de suite, immédiatement, mais il voit bien qu'un roman qui commence par où allait-il, qui sont-ils, que faisait-il, un roman qui se termine avec trois fins possibles, vous choisissez celle qui vous intéresse, c'est pas fait pour le lecteur lambda de roman du 18e siècle. Vous avez parlé de la Russie. Petite parenthèse, le temps file, mais sur cet épisode qui peut étonner Diderot, qui est plutôt anti-monarchiste, qui va se retrouver à la cour de Catherine II de Russie à Saint-Pétersbourg. Diderot veut gagner sa vie. Ouais. Comment il fait? À un moment donné, il devient le bibliothécaire de Catherine II à Paris. Alors, il touche un salaire. Catherine II le paie pour qu'il fournissent sa bibliothèque, et l'entente, elle est très simple. Au moment de sa mort, la bibliothèque va quitter Paris, puis elle va aller à Saint-Pétersbourg. Et c'est effectivement ce qui arrive. Les livres de Diderot sont à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Alors, il est très, très bien payé. Il gagne une somme considérable. Et ils se sont obligés d'aller la remercier. Ouais. Donc, en 1773-1774, il traverse l'Europe, imaginez ce que c'est, Paris-Saint-Pétersbourg, pour aller voir Catherine II. Et il a des rencontres quotidiennes avec Catherine II. Ils se parlent tous les jours. Il essaie de l'influencer. Ça ne marchera pas très fort sur le plan de l'influence, mais on voit bien là comment une tête couronnée d'Europe, Catherine II, a besoin de la caution intellectuelle d'un Français. Ouais. Et dans ce cas-là, ça va être Diderot. Ouais. Bouclons la boucle. Ces romans qui n'existent pas officiellement au moment où il vit, puisqu'ils ne sont pas publiés, ils existent aujourd'hui. Pourquoi lire aujourd'hui Diderot, Benoît Melançon? Alors, Diderot meurt en 1784. En 1984, pour le bicentenaire de sa mort, Jean-Claude Bonnet publie un livre qui s'appelle Diderot. Et dans sa conclusion, il propose une opposition entre Rousseau et Diderot. Comment résumer Rousseau? C'est moi. Comment résumer Diderot? Où suis-je? Ben, c'est cette quête-là d'une identité diffuse qui circule, qui fait que Diderot nous parle si fort aujourd'hui. Hein, quand on se demande qui l'on est, ben, c'est la question que Diderot se posait. En commençant, si je vous ai bien entendu, par Jacques le Fataliste. C'est ma lecture préférée. Benoît Melançon, professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.